Chapitre 22e. Je commençais à me dégoûter des évasions et de l'espèce de liberté qu'elles procurent. Je ne me souciais pas de retourner au bagne, mais à tout prendre, je préférais encore le séjour de Toulon à celui de Paris. S'il m'eût fallu continuer de recevoir la loi d'être semblable aux chevaliers, aux Blondis, aux Duluc, aux Saint-Germain. J'étais dans ces dispositions, au milieu de bon nombre de ces piliers de galère, que je n'avais que trop bien eu l'occasion de connaître, lorsque plusieurs d'entre eux me proposèrent de les aider à tenter une fugue par la cour des bons pauvres. Autrefois, le projet m'eût souri. Je ne le rejetais pas, mais j'en fis la critique en homme qui a étudié les localités, et de manière à me conserver cette prépondérance que me valaient mes succès réels et ceux que l'on m'attribuait. Je pourrais dire aussi ceux que je m'attribuais moi-même. Car dès qu'on vit avec des copains, il y a toujours avantage à passer pour le plus scélérat et le plus adroit. Telle était aussi ma réputation très bien établie. Partout où l'on comptait 4 condamnés, il y en avait au moins 3 qui avaient entendu parler de moi. Pas de fait extraordinaire depuis qu'il existait des galériens qu'on ne rattachait à mon nom. J'étais le général à qui l'on fait honneur de toutes les actions des soldats. On ne citait pas les places que j'avais emportées d'assaut, mais il n'y avait pas de geôlier dont je ne pusse tromper la vigilance, pas de fer que je ne vinsse à bout de rompre, pas de muraille que je ne réussisse à percer. Je n'étais pas moins renommé par mon courage et mon habileté, et l'on avait l'opinion que j'étais capable de me dévouer en cas de besoin. À Brest, à Toulon, à Rochefort, à Anvers, partout enfin j'étais considéré parmi les voleurs comme le plus rusé et le plus intrépide. Les plus malins briguaient mon amitié, parce qu'ils pensaient qu'il y avait encore quelque chose à apprendre avec moi, et les plus novices recueillaient mes paroles comme des instructions dont ils pourraient faire leur profit. À Bicêtre, j'avais également une cour, on se pressait autour de ma personne, on m'entourait. C'étaient des prévenances, des égards, dont on se ferait difficilement une idée. Mais maintenant toute cette gloire des prisons m'était odieuse. Plus je lisais dans l'âme des malfaiteurs, plus ils se mettaient à découvert devant moi, plus je me sentais porté à plaindre la société de nourrir dans son sein une engeance pareille. Je n'éprouvais plus ce sentiment de la communauté du malheur qui m'avait autrefois inspiré. De cruelles expériences et la maturité de l'âge m'avaient révélé le besoin de me distinguer de ce peuple de brigands dont je méprisais les secours et l'abominable langage. Décidé, quoi qu'il en pût advenir, à prendre parti contre eux dans l'intérêt des honnêtes gens, j'écrivis à M. Henri pour lui offrir de nouveau mes services, sans autre condition que de ne pas être reconduit au bagne, me résignant à finir mon temps dans quelque prison que ce fût. Ma lettre indiquait avec tant de précision l'espèce de renseignement que je pourrais donner, que M. Henri en fut frappé. Une seule considération l'arrêtait, c'était l'exemple de plusieurs individus prévenus ou condamnés qui, après avoir pris l'engagement de guider la police dans ses recherches, ne lui avaient donné que des avis insignifiants, ou bien encore avaient fini eux-mêmes par se faire prendre en flagrant délit. À cette considération si puissante, j'opposais la cause de ma condamnation, la régularité de ma conduite, toutes les fois que j'avais été libre, la constance de mes efforts pour me procurer une existence honnête. Enfin, j'exhibais ma correspondance, mes livres, ma comptabilité, et j'invoquais le témoignage de toutes les personnes avec lesquelles je m'étais trouvé en relation d'affaires, et spécialement celui de mes créanciers, qui tous avaient la plus grande confiance en moi. Les faits que j'alléguais militaient puissamment en ma faveur. M. Henri soumit ma demande au préfet de police, M. Pasquier, qui décida qu'elle serait accueillie. Après un séjour de 2 mois à Bicêtre, je fus transféré à la force, et pour éviter de m'y rendre suspect, on affecta de répandre parmi les prisonniers que j'étais retenu comme impliqué dans une fort mauvaise affaire dont l'instruction allait commencer. Cette précaution, jointe à ma renommée, me mit tout à fait en bonne odeur. Pas de détenu qui osa révoquer en doute la gravité du cas qui m'était imputé. Puisque j'avais montré tant d'audace et de persévérance pour me soustraire à une condamnation de 8 ans de fer, il fallait bien que j'eusse la conscience chargée de quelque grand crime, capable, si jamais j'en étais reconnu l'auteur, de me faire monter sur l'échafaud. On disait donc tout bas et même tout haut à la force, en parlant de moi, c'est un escarpe, un assassin. Et comme dans le lieu où j'étais, un assassin inspire d'ordinaire une grande confiance, je me gardais bien de réfuter une erreur si utile à mes projets. J'étais alors loin de prévoir qu'une imposture que je laissais volontairement s'accréditer se perpétuerait au-delà de la circonstance et qu'un jour, en publiant mes mémoires, il ne serait pas superflu de dire que je n'ai jamais commis d'assassinat. Depuis qu'il est question de moi dans le public, on lui a tant débité de contes absurdes sur ce qui m'était personnel. Quels mensonges n'ont pas inventé pour me diffamer des agents intéressés à me représenter comme un vil scélérat. Tantôt j'avais été marqué, condamné aux travaux forcés à perpétuité. Tantôt l'on m'avait sauvé de la guillotine qu'à condition de livrer à la police un certain nombre d'individus par mois, et aussitôt qu'il en manquait un seul, le marché devenait résiliable. C'est pourquoi, affirmait-on, à défaut de véritables délinquants, j'en amenais de ma façon. N'est-on pas allé jusqu'à m'accuser d'avoir, au café Lamblin, introduit un couvert d'argent dans la poche d'un étudiant? J'aurai plus tard l'occasion de revenir sur quelques-unes de ces calomnies dans plusieurs chapitres des volumes suivants, où je mettrai au grand jour les moyens de la police, son action, ses mystères, enfin, tout ce qui m'a été dévoilé, tout ce que j'ai su. L'engagement que j'avais pris n'était pas aussi facile à remplir que l'on pourrait le croire. À la vérité, j'avais connu une foule de malfaiteurs, mais incessamment décimés par les excès de tout genre, par la justice, par l'affreux régime des bagnes et des prisons, par la misère, cette hideuse génération avait passé avec une inconcevable rapidité. Une génération nouvelle occupait la scène, et j'ignorais jusqu'au nom des individus qui la composaient. Je n'étais pas même au fait des notabilités. Une multitude de voleurs exploitait alors la capitale, et il m'aurait été impossible de fournir la plus mince indication sur les principaux d'entre eux. Il n'y avait que ma vieille renommée, qui peut me mettre à même d'avoir des intelligences dans l'état-major de ces bédouins de notre civilisation. Elle me servit, je ne dirais pas au-delà, mais autant que je le pouvais désirer. Il n'arrivait pas à un voleur à la force qu'il ne s'empressât de rechercher ma compagnie. Ne m'eût-il jamais vu, pour se donner du relief aux yeux des camarades, il tenait à amour-propre de paraître avoir été lié avec moi. Je caressais cette singulière vanité. Par ce moyen, je me glissais insensiblement sur la voie des découvertes. Les renseignements me vinrent en abondance et je n'éprouvais plus d'obstacle à m'acquitter de ma mission. Pour donner la mesure de l'influence que j'exerçais sur l'esprit des prisonniers, il me suffira de dire que je leur inoculais à volonté mes opinions, mes affections, mes ressentiments. Ils ne pensaient et ne juraient que par moi. Leur arrivait-il de prendre en grippe un des co-détenus, parce qu'ils croyaient avoir en lui ce qu'on appelle un mouton? Je n'avais qu'à répondre de lui, il était réhabilité sur le champ. J'étais à la fois un protecteur puissant et un garant de la franchise quand elle était suspectée. Le premier dont je me rendis ainsi caution était un jeune homme que l'on accusait d'avoir servi la police en qualité d'agent secret. On prétendait qu'il avait été à la solde de l'inspecteur général Béra, et l'on ajoutait qu'allant au rapport chez ce chef, il avait enlevé le panier à l'argenterie. Voler chez l'inspecteur, ce n'était pas là le mal, mais aller au rapport. Tel était pourtant le crime énorme imputé à Coco Lacour, aujourd'hui mon successeur. Menacé par toute la prison, chassé, rebuté, maltraité, n'osant plus même mettre le pied dans la cour où il aurait été infailliblement assommé, Coco vint solliciter ma protection et pour mieux me disposer en sa faveur, il commença par me faire des confidences dont je sus tirer parti. D'abord, j'employai mon crédit à lui faire faire sa paix avec les détenus qui abandonnèrent leur projet de vengeance. On ne pouvait lui rendre un plus signalé service. Coco, autant par reconnaissance que par désir de parler, n'eut bientôt plus rien de caché pour moi. Un jour, il venait de paraître devant le juge d'instruction. « Ma foi, dit-il à son retour, je joue de bonne heure. Aucun des plaignants ne m'a reconnu. Cependant, je ne me regarde pas comme sauvé. Il y a par le monde un diable de portier à qui j'ai volé une montre d'argent. Comme j'étais obligé de causer longtemps avec lui, mes traits ont dû se graver dans sa mémoire. Et s'il était appelé, il pourrait bien se faire qu'il y eut du déchet à la confrontation. D'ailleurs, ajouta-t-il, par état, les portiers sont physionomistes. L'observation était juste. Mais je fis observer à Coco qu'il n'était pas présumable que l'on découvrît cet homme et que vraisemblablement il ne se présenterait jamais de lui-même, puisque jusqu'alors il avait négligé de le faire. Afin de le confirmer dans cette opinion, je lui parlais de l'insouciance ou de la paresse de certaines gens qui n'aiment pas se déplacer. Ce que je dis du déplacement amena Coco à nommer le quartier dans lequel habitait le propriétaire de la montre. S'il m'avait indiqué la rue et le numéro, je n'aurais eu plus rien à désirer. Je me gardais bien de demander un renseignement si complet, c'eût été me trahir. Et puis la donnée pour l'investigation me semblait suffisante. Je l'adressai à M. Henri, qui mit en campagne ses explorateurs. Le résultat des recherches fut tel que je l'avais prévu. On déterra le portier, et Coco, confronté avec lui, fut accablé par l'évidence. Le tribunal le condamna à 2 ans de prison. À cette époque, il existait à Paris une bande de forçats évadés qui commettaient journellement des vols sans qu'il eût espoir de mettre un terme à leur brigandage. Plusieurs d'entre eux avaient été arrêtés et absous faute de preuves. Opiniâtrement retranchés dans la dénégation, ils bravaient depuis longtemps la justice qui ne pouvait leur opposer ni le flagrant délit ni des pièces à conviction. Pour les surprendre nantis, il aurait fallu connaître leur domicile, et ils étaient si habiles à le cacher qu'on n'était jamais parvenu à le découvrir. Au nombre de ces individus était un nommé France, dit Tormel, qui, en arrivant à la force, n'eut rien de plus pressé que de me faire demander 10 francs pour passer à la pistole. J'étais tout aussi pressé de les lui envoyer. Dès lors, il vint me rejoindre, et comme il était touché du procédé, il n'hésita pas à me donner toute sa confiance. Au moment de son arrestation, il avait soustrait 2 billets de 1 000 francs aux recherches des agents de police. Il me les remit, en me priant de lui avancer de l'argent au fur et à mesure de ses besoins. « Tu ne me connais pas, » dit-il, « mais les billets répondent. Je te les confie parce que je sais qu'ils sont mieux dans tes mains que dans les miennes. Plus tard, nous les changerons. Aujourd'hui, ça serait louche. Il vaut mieux attendre. » Je fus de l'avis de France, et suivant qu'il le désirait, je lui promis d'être son banquier. Je ne risquais rien. Arrêté pour vol avec effraction, chez un marchand de parapluies de passage Feydeau, France avait été interrogé plusieurs fois, et constamment il avait déclaré n'avoir point de domicile. Pourtant, la police était instruite qu'il y en avait un, et elle était d'autant plus intéressée à le connaître qu'elle avait presque la certitude d'y trouver des instruments à voleurs, ainsi qu'un dépôt d'objets volés. C'eût été là une découverte de la plus haute importance, puisqu'alors on aurait eu des preuves matérielles. M. Henri me fit dire qu'il comptait sur moi pour arriver à ce résultat. Je manœuvrai en conséquence, et je sus bientôt qu'au moment de son arrestation, France occupait, au coin de la rue Montmartre et de la rue Notre-Dame-des-Victoires, un appartement loué au nom d'une receleuse appelée Joséphine Bertrand. Ces renseignements étaient positifs, mais il était difficile d'en faire usage sans me compromettre vis-à-vis de France, qui, ne s'étant ouvert qu'à moi seul, ne pouvait soupçonner que moi de l'avoir trahi. Je réussis cependant, et il se doutait si peu que j'eusse abusé de son secret qu'il me racontait ses inquiétudes à mesure que se poursuivait l'exécution du plan que j'avais concerté avec M. Henri. Du reste, la police s'était arrangée de telle sorte qu'elle semblait n'être guidée que par le hasard. Voici comment elle s'y prit. Elle mit dans ses intérêts un des locataires de la maison qu'avait habité France. Ce locataire fit remarquer au propriétaire que depuis environ 3 semaines, on n'apercevait plus qu'un mouvement dans l'appartement de Mme Bertrand. C'était donner l'éveil et ouvrir le champ aux conjectures. On se souvint d'un individu qui allait et venait habituellement dans cet appartement. On s'étonna de ne plus le rencontrer. On parla de son absence. Le mot de disparition fut prononcé, d'où la nécessité de faire intervenir le commissaire, puis l'ouverture en présence de témoins. Puis la découverte d'un grand nombre d'objets volés dans le quartier et enfin la saisie des instruments dont on s'était servi pour consommer les vols. Il s'agissait maintenant de savoir ce qu'était devenue Joséphine Bertrand. On alla chez les personnes qu'elle avait indiquées pour les informations lorsqu'elle était venue louer, mais on ne put rien apprendre sur le compte de cette femme. Seulement on sut qu'une fille Lambert, qui lui avait succédé dans le logement de la rue Montmartre, venait d'être arrêtée, et comme cette fille était connue pour la maîtresse de France, on en avait conclu que les 2 individus devaient avoir un gîte commun. France fut en conséquence conduit sur les lieux. Reconnu par tous les voisins, il prétendit qu'il y avait méprise de leur part, mais les jurés devant qui il fut amené en décidèrent autrement, et il fut condamné à 8 ans de fer. France, une fois convaincu, on put aisément se porter sur les traces de ses affiliés. 2 des principaux étaient les nommés Fossard et Le Gagneur. On se fut emparé d'eux, mais la lâcheté et la maladresse des agents les firent échapper aux recherches que je dirigeais. Le premier était un homme d'autant plus dangereux qu'il excellait dans la fabrication des fausses clés. Depuis 15 mois, il semblait défier la police, lorsqu'un jour j'appris qu'il demeurait chez un perruquier vieille rue du Temple, en face de l'égout. L'arrêter hors de chez lui était chose à peu près impossible, attendu qu'il était fort habile à se déguiser, et qu'il devinait un agent de plus de 200 pas. D'un autre côté, il valait bien mieux le saisir au milieu de l'attirail de sa profession et des produits de ses labeurs. Mais l'expédition présentait des obstacles. Fossard, quand on frappait à la porte, ne répondait jamais. Il était probable qu'en cas de surprise, il s'était ménagé une issue et des facilités pour gagner les toits. Il me parut que le seul moyen de s'emparer de lui, c'était de profiter de son absence pour s'introduire et s'embusquer dans son logement. Monsieur Henri fut de mon avis. On fit crocheter la porte en présence d'un commissaire, et trois agents se placèrent dans un cabinet contigu à l'alcôve. Près de 72 heures se passèrent sans que personne arrivât. À la fin du troisième jour, les agents, dont les provisions étaient épuisées, allaient se retirer lorsqu'ils entendirent mettre une clé dans la serrure. C'était Fossard qui rentrait. Aussitôt, deux des agents, conformément aux ordres qu'ils avaient reçus, s'élancent du cabinet et se précipitent sur lui. Mais Fossard, s'armant d'un couteau qu'ils avaient oublié sur la table, leur fit une si grande peur qu'ils ouvrirent eux-mêmes la porte que leurs camarades avaient fermée. Après les avoir mis à son tour sous clé, Fossard descendit tranquillement l'escalier, laissant aux trois agents tout le loisir nécessaire pour rédiger un rapport auquel il ne manquait rien, si ce n'est la circonstance du couteau que l'on se garda bien de mentionner. On verra dans la suite de ses mémoires comment, en 1814, je parvins à arrêter Fossard, et les particularités de cette expédition ne sont pas les moins curieuses de ce récit. Avant d'être transféré à la conciergerie, France, qui n'avait pas cessé de croire à mon dévouement, m'avait recommandé l'un de ses amis intimes. C'était le gagneur, force à évader, arrêté rue de la Mortellerie, au moment où il exécutait un vol à l'aide de fausses clés. Cet homme, privé de ressources par suite du départ de son camarade, songea à retirer de l'argent qu'il avait déposé chez un receleur de la rue Saint-Dominique au Gros Caillou. Annette, qui venait me voir très assidûment à la force et me secondait quelquefois avec beaucoup d'adresse dans mes recherches, fut chargée de la commission. Mais, soit méfiance, soit volonté de s'approprier le dépôt, le receleur accueillit fort mal la messagère, et comme elle insistait, il alla jusqu'à la menacer de la faire arrêter. Annette revint nous annoncer qu'elle avait échoué dans sa démarche. À cette nouvelle, le gagneur voulait dénoncer le receleur. Cette résolution n'était que l'effet d'un premier mouvement de colère. Devenu plus calme, le gagneur jugea plus convenable d'ajourner sa vengeance et surtout de se la rendre profitable. « Si je le dénonce, me dit-il, non seulement il ne me reviendra rien, mais il peut se faire qu'on ne le trouve pas en défaut. J'aime mieux attendre ma sortie. Je saurais bien le faire chanter. » Le gagnant, n'ayant plus d'espoir en son receleur, se détermina à écrire à deux de ses complices, Marguerite et Victor Desbois, qui étaient des voleurs en renom. Convaincu de cette vérité bien ancienne, que les petits présents entretiennent l'amitié, en échange des secours qu'ils demandaient, il leur envoyait quelques empreintes de serrure qu'il avait prises pour son usage particulier. Le gagnant eut encore recours à l'intermédiaire d'Annette. Elle trouva les deux amis rue des Deux Ponts, dans un misérable entresol, espèce de taudis où ils ne se rendaient jamais sans avoir pris auparavant toutes leurs précautions. Ce n'était pas là leur demeure. Annette, à qui j'avais recommandé de faire tout ce qui dépendrait d'elle pour la connaître, eut le bon esprit de ne pas les perdre de vue. Elle les suivit pendant 2 jours sous des déguisements différents, et le troisième, elle put m'affirmer qu'ils couchaient petite rue Saint-Jean, dans une maison ayant tissu sur des jardins. Monsieur Henri, à qui je ne laissais pas ignorer cette circonstance, prescrivit toutes les mesures qu'exigeait la nature de la localité, mais ses agents ne furent ni plus braves ni plus adroits que ceux à qui Fossard avait échappé. Les deux voleurs se sauvèrent par les jardins, et ce ne fut que plus tard que l'on parvint à les arrêter rue Saint-Hyacinthe-Saint-Michel. Le gagneur, ayant été à son tour conduit à la conciergerie, fut remplacé dans ma chambre par le fils d'un marchand de vin de Versailles, le nommé Robin, qui, lié avec tous les escrocs de la capitale, me donna par forme de conversation les renseignements les plus complets, tant sur leurs antécédents que sur leur position actuelle et leurs projets. Ce fut lui qui me signala comme force à évader le prisonnier Mar d'Argent, qui n'était retenu que comme déserteur. Celui-ci avait été condamné à 24 ans de fer. Il avait vécu dans le bagne. À l'aide de mes notes et de mes souvenirs, nous fûmes promptement au pays de connaissance. Il crut, et il ne se trompait pas, que je serais joyeux de retrouver d'anciens compagnons d'infortune. Il m'en indiqua plusieurs parmi les détenus, et je fus assez heureux pour faire réintégrer aux galères bon nombre de ces individus que la justice, à défaut de preuves suffisantes, aurait peut-être lancé de nouveau dans la circulation sociale. Jamais on n'avait fait de plus importantes découvertes que celles qui marquaient mon début dans la police. À peine m'étais-je enrôlé dans cette administration, et déjà j'avais fait beaucoup pour la sûreté de la capitale et même pour celle de la France entière. Raconter tous mes succès en ce genre, ce serait abuser de la patience des lecteurs. Cependant, je ne crois pas devoir passer sous silence une aventure qui précède de peu de moi ma sortie de prison. Un après-midi, il se manifesta quelque tumulte dans la cour. Il s'y livrait un furieux combat à coups de poing. Par ailleurs, c'était un événement fort ordinaire. Mais cette fois, il avait autant à s'étonner que d'un duel entre Oreste et Pylade. Les deux champions, Glignon et Charpentier, dit Chantaleur, était connu pour vivre dans cette intimité révoltante qui n'a pas même d'excuses dans la plus rigoureuse claustration. Une rixe violente s'était engagée entre eux. On prétendait que la jalousie les avait désunis. Quoi qu'il en soit, quand l'action eut cessé, Chantaleur, couvert de contusions, entra à la cantine pour se faire bassiner. Je faisais alors ma partie de piquet. Chantaleur, irrité de sa défaite, ne se possédait plus. Bientôt l'eau-de-vie du pansement qu'il buvait sans s'en apercevoir, l'animant encore, il se trouva dans cette situation d'esprit où les épanchements deviennent un besoin. « Mon ami, me dit-il, car tu es mon ami, toi. Vois comme il m'a arrangé ce gueux de Blignon, mais il ne le portera pas en paradis. Laisse tout cela, lui repartis-je, il est plus fort que toi. Il faut en prendre ton parti. Quand tu te ferais assommer une seconde fois? Oh, ce n'est pas ce que je veux dire. Si je voulais, il ne battrait plus personne, ni moi ni d'autres. On sait ce que l'on sait. Et que sais-tu? M'écriai-je, frappé du ton dont il avait prononcé ces derniers mots. Oui, reprit Chantaleur, toujours plus exaspéré. Il a bien fait de me pousser à bout. Je n'aurais qu'à jaspiner, à jaser. Il serait bientôt fauché et guillotiné. Eh, tais-toi donc, lui dis-je en affectant d'être incrédule. Vous êtes tous taillés sur le même patron. Quand vous en voulez à quelqu'un, on dirait qu'il n'y a plus qu'à souffler sur sa tête pour la faire tomber. Tu crois ça? S'écria Chantaleur en frappant du poing sur la table. Si je te disais qu'il a escarpé une largue, assassiné une femme. Pas si haut, Chantaleur, pas si haut, lui dis-je, en me mettant mystérieusement un doigt sur la bouche. Tu sais bien qu'à l'heure se fait, la force, les murs ont des oreilles. Il ne s'agit pas de servir de belle, d'énoncer à faux à un camarade. Qu'appelles-tu servir de belle? Répliqua-t-il, plus irrité à mesure que je feignais de vouloir l'empêcher de parler. « Quand je te dis qu'il ne tient qu'à moi de lui donner un redoublement de fièvre, révélez à nouveau fait ta charge. »« Tout cela est bon, » repris-je, « mais pour faire mettre un homme sur la planche au pain, traduire devant la cour d'assises, il faut des preuves. »« Des preuves? Est-ce que le boulanger, le diable, en manque jamais? Écoute. »« Tu connais bien la marchande d'asticots qui se tient au bas du pont Notre-Dame. » Une ancienne ogresse, une femme qui loue des effets aux filles. La maîtresse de Châtenay, la femme du bossu, tout juste. Eh bien, il y a 3 mois que Blignon et moi nous étions à bouffarder tranquillement dans un estaminet de la rue Planche-Mibray, lorsqu'elle vint nous y trouver. « Il y a gras, nous dit-elle, et pas loin d'ici, rue de la Sonnerie. Puisque vous êtes de bons enfants, je veux vous l'enseigner. C'est une vieille femme qui reçoit de l'argent pour beaucoup de monde. Il y a des jours qu'elle a 15 et 20 000 francs au roubillet. Comme elle rentre souvent à la sorgue, à la nuit, il faudrait lui couper cou et la fiche à la rivière, après avoir poussé ses philippes, pris son argent. D'abord qu'elle nous a fait la proposition, nous ne voulions pas en entendre parler parce que nous ne faisions pas l'escarpe, l'assassinat. Mais cette emblémeuse nous a tant tourmentés, en nous répétant qu'il y avait gras, beaucoup d'argent, et que d'ailleurs il n'y avait pas grand mal à étourdir, à tuer une vieille femme, que nous nous sommes laissés aller. On tomba d'accord que la marchande d'asticots nous avertirait du jour et du moment favorable. Ça me contrariait pourtant de m'enflaquer là-dedans, parce que vois-tu, quand on n'est pas habitué à faire la chose, ça fait toujours un effet. Enfin, n'importe. Tout était convenu lorsque le lendemain, aux quatre cheminées, près de Sèvres, nous avons rencontré Boisvenel avec un autre grinche, un autre voleur. Glignon leur a parlé de l'affaire, mais en témoignant qu'il avait de la répugnance pour le crime. Alors ils proposèrent de nous donner un coup de main, si toutefois nous y consentions. « Volontiers, » répondit Blignon. « Quand il y en a pour 2, il y en a pour 4. » Voilà donc décidé. Il devait être de mèche avec nous. Depuis ce jour, le camarade de Boisvenel était toujours sur notre dos. Il n'aspirait qu'au moment. Enfin, la marchande d'asticots nous fait prévenir. C'était le 30 décembre, il faisait du brouillard. « C'est pour aujourd'hui, » me dit Blignon. « Vous me croirez si vous le voulez, foi de gringe. J'avais envie de ne pas y aller. » Mais entraîné, je suivis la vieille avec les autres et le soir, au moment où sa recette terminée, elle sortait de chez un monsieur Rousset, loueur de carrosse, dans le cul-de-sac de la pompe, nous l'avons expédié. C'est l'ami de Voivenel qui l'a chouriné, frappée à coups de couteau, pendant que Bignon, après l'avoir entortillée dans son mantelet, la tenait par derrière. Il n'y a que moi qui ne m'en suis pas mêlé, mais j'ai tout vu puisqu'il m'avait planté à faire le gaffe, à faire le guet, et j'en sais assez pour faire gerber à la passe, guillotiner ce gueux de Bignon. » Chantalor me raconta en détail avec une rare insensibilité toutes les circonstances de ce meurtre. J'entendis jusqu'au bout ce récit abominable, faisant à chaque instant d'incroyables efforts pour cacher mon indignation. Chaque parole qu'il prononçait était de nature à faire dresser les cheveux de l'homme le moins susceptible d'émotion. Quand ce scélérat eut achevé de me retracer avec une horrible fidélité les angoisses de la victime, je l'engageai de nouveau à ne pas perdre son ami Bignon. Mais en même temps, je jetai habilement de l'huile sur le feu que je semblais vouloir éteindre. Je me proposai d'amener Chantaleur à faire de sang-froid à l'autorité l'horrible révélation à laquelle l'avait poussé la colère. Je désirais en outre pouvoir fournir à la justice les moyens de conviction qui lui étaient nécessaires pour frapper les assassins. Il y avait beaucoup à éclaircir. Peut-être Chantaleur ne m'avait-il fait qu'une fable qui lui aurait été suggérée par le vin et l'esprit de vengeance. Quoi qu'il en soit, je fis à M. Henri un rapport dans lequel je lui exposai mes doutes, et bientôt il me fit savoir que le crime que je lui dénonçais n'était que trop réel. M. Henri m'engageait en même temps à faire en sorte de lui procurer des renseignements précis sur toutes les circonstances qui avaient précédé et suivi l'assassinat, et dès le lendemain, je dressai mes batteries pour les obtenir. Il était difficile de faire arrêter les complices sans que l'on pût soupçonner d'où partait le coup. Dans cette occasion, comme dans beaucoup d'autres, le hasard se mit de moitié avec moi. Le jour venu, j'allais éveiller Chantaleur qui, encore malade de la veille, ne put se lever. Je m'assis sur son lit et lui parlai de l'état complet d'ivresse dans lequel je l'avais vu, ainsi que des indiscrétions qu'il avait commises. Le reproche parut l'étonner. Je lui répétai un ou deux mots de l'entretien que j'avais eu avec lui. Sa surprise redoubla. Alors il me protesta qu'il était impossible qu'il eût tenu un pareil langage, et soit qu'effectivement il eût perdu la mémoire, soit qu'il se défiât de moi, il essaya de me persuader qu'il n'avait pas le moindre souvenir de ce qui s'était passé. Qu'il mentît ou non, je saisis cette assertion avec avidité, et j'en profitai pour dire à Chantaleur qu'il ne s'était pas borné à me raconter confidentiellement toutes les circonstances de l'assassinat, mais encore qu'il les avait exposées à haute voix dans le chauffoir, en présence de plusieurs détenus qui avaient tout aussi bien entendu que moi. « Ah, malheureux que je suis !» s'écria-t-il, en montrant la plus grande affliction. « Qu'ai-je fait ? À présent, comment me tirer de là ?»« Rien de plus aisé, » lui répondis-je. « Sinon te questionne au sujet de la scène d'hier, tu diras, ma foi, quand je suis ivre, je suis capable de tout, surtout si j'en veux à quelqu'un. Je ne sais pas ce que je n'inventerai pas. » Chantaleur prit le conseil pour argent comptant. Le même jour, un nommé Pinson qui passait pour un mouton fut conduit de la force à la préfecture de police. Cette translation ne pouvait s'effectuer plus à propos. Je m'empressai de l'annoncer à Chantaleur, en ajoutant que tous les prisonniers pensaient que Pinson n'était extrait que parce qu'il allait faire quelques révélations. À cette nouvelle, il parut consterné. « Était-il dans le chauffoir ?» me demanda-t-il aussitôt. Je lui dis que je n'y avais pas fait attention. Alors il me communiqua plus franchement ses alarmes, et j'obtins de lui de nouveaux renseignements qui, transmis sur le champ à M. Henri, firent tomber sous la main de la police tous les complices de l'assassinat, parmi lesquels le marchand d'asticots et son mari. Les uns et les autres furent mis au secret. Bignon et Chantaleur dans le bâtiment neuf, la marchande d'asticots, son mari Boabnel et le quatrième assassin dans l'infirmerie, où ils restèrent très longtemps. La procédure s'instruisit et je ne m'en occupais plus. Elle n'eut aucun résultat, parce qu'elle avait été mal commencée de le principe. Les accusés furent absous. Mon séjour, tant à Bicêtre qu'à la force, embrasse une durée de 21 mois, pendant laquelle il ne se passa pas de jour que je ne rendisse quelque important service. Je crois que j'aurais été un mouton perpétuel, tant on était loin de supposer la moindre connivence entre les agents de l'autorité et moi. Les concierges et les gardiens ne se doutaient même pas de la mission qui m'était confiée. Adorer des voleurs, estimer des bandits les plus déterminés, car ces gens-là ont aussi un sentiment qu'ils appellent de l'estime, je pouvais compter en tout temps sur leur dévouement. Tout se serait fait hacher pour moi. Ce qui le prouve, c'est qu'à Bicêtre, le nommé Marc d'Argent, dont j'ai parlé, s'est battu plusieurs fois contre les prisonniers qui avaient osé dire que je n'étais sorti de la force que pour servir la police. Coco Latour et Goro, détenus dans la même maison comme voleurs incorrigibles, ne prirent pas ma défense avec moins de générosité. Alors peut-être aurait-il eu raison de ma payer d'ingratitude puisque je ne les ai pas plus ménagés que les autres. Mais le devoir commandait. Qu'ils reçoivent aujourd'hui le tribut de ma reconnaissance, ils ont plus concouru qu'ils ne pensent aux avantages que la société a pu retirer de mes services. M. Henri ne laissa pas ignorer au préfet de police les nombreuses découvertes qui étaient dues à ma sagacité. Ce fonctionnaire, qui me représenta comme un homme sur qui l'on pouvait compter, consentit enfin à mettre un terme à ma détention. Toutes mesures furent prises pour qu'on ne me crût pas que j'eusse recouvré ma liberté. On vint me chercher à la force, et l'on m'emmena sans négliger aucune des précautions les plus rigoureuses. On me mit les menottes, et je montai dans une carriole d'osier, mais il était convenu que je m'évaderais en route. Et en effet, je m'évadais. Le soir même, toute la police était à la recherche. Cette évasion fit grand bruit, surtout à la force, où mes amis la célébrèrent par des réjouissances. Ils burent à ma santé et me souhaitèrent bon voyage.